Il n'y a pas de justice, vous le savez. Il n'y a pas de justice. Je suis un gentil jardinier, il n'y en a pas plus gentil que les jardiniers. J'avais planté des citrouilles dans mon jardin. Faut manger des citrouilles. Manger des citrouilles, il n'y a rien de plus sain. C'est très sain. Si vous avez l'estomac délicat, mangez de la citrouille. Vous serez guéri du jour au lendemain. Parlez-en à votre pharmacien, vous verrez ce qu'il vous dira. J'avais planté 50 citrouilles dans mon jardin. J'étais content. Les 50 plants étaient sortis. Oh, j'étais content. Des jolies petites citrouilles qui... Remarquez, je les avais bien traitées. Hein. J'avais bien bêché, j'avais bien sarclé, j'avais bien mis beaucoup de fumier. Faut beaucoup de fumier pour la citrouille. C'est un légume très, très délicat. Ah, oui. C'est comme la fraise. Si vous voulez avoir une fraise bien grosse, bien rouge, bien sucrée, faut beaucoup de fumier. J'en ai mis des platons brunes. Et mes petites citrouilles qui sortaient, j'étais content, je les bêchais, je les pomponnais. Le soir, je m'endormais dans mon lit. Quand je me voyais entouré de mes citrouilles, j'étais content. Manger de la citrouille. Un matin, je dis, il faut que j'aille à la cueillette. Parce que j'avais des belles citrouilles, hein. Mais alors des grosses. Je dis, il me faut au moins une brouette pour une citrouille. Il va falloir que je fasse 50 voyages. Et 50 citrouilles, des michettes, ce qu'on appelle la. La belle citrouille. J'arrive avec ma brouette, je compte mes citrouilles. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, elle est belle, encore plus grosse que les autres. Tomates. Une belle citrouille. 43, 44, 45. Eh bien, il me manque 5 citrouilles. Eh ben, on me vole mes citrouilles. Oh, j'avais 50 citrouilles, il n'y en a plus 45. Dans mon terrain à moi, mes citrouilles à moi, j'ai travaillé le matin, je me levais avec le soleil pour pêcher, on me vole mes... Le soir même, je prends un manche à balai, je me cache derrière une citrouille. J'ai dit, si jamais il y en a un qui se pointe pour voler mes citrouilles, bah, je vais lui couper l'envie du potiron. Je m'installe derrière une citrouille, je m'endors, le lendemain matin je me réveille, tout gelé, je compte mes citrouilles, 38, 39, 40, il manquait 10 citrouilles. On me vole mes citrouilles. Oh, ben dis, oh, ben alors. Oh, soir même, je prends 15 cafés, 3 cognacs. Je me cache derrière une autre citrouille avec une bonbonne de cognac à côté. Je prends un manche de pioche. À 2h du matin, je vois arriver une ombre. Un bonhomme avec un couteau, dis-donc. Il rentre dans mon champ, à moi. Il venait assassiner mes citrouilles. Tu viens me voler mes citrouilles à moi ? Clac ! J'en ai foutu un coup sur les épaules. Il s'est mis à hurler, au secours à moi ! Au secours à moi ! Tous les voisins des petites villas sont arrivés. Il a voulu absolument qu'on l'amène à l'hôpital. Je lui ai fait un bleu. Oui, bon, ben, un bleu pour 10 citrouilles, ça vaut le coup quand même. Il a porté plainte contre moi pour coups et blessures. Moi, le petit jardinier de banlieue, il a fallu que j'aille en justice. Moi, devant le juge, il m'a insulté, le juge. Alors, vous êtes un hyper nerveux. Vous êtes irascible. Mais écoutez, mes citrouilles à moi. Pas le savoir, d'abord vous parlez quand on vous le dira. Vous n'avez pas le droit de parler, c'est votre avocat qui doit parler à votre place. Vous ferez 8 jours de prison pour avoir coupé le président. On ne doit jamais couper un président quand il parle. Vous êtes un hyper nerveux, un irascible. Il faut savoir se calmer dans la vie. Moi je suis juge, moi. Jamais je m'énerve, faut jamais couper un président quand il parle. Vous entendez? Il a fallu que je fasse des excuses au monsieur qui était venu dans mon jardin. J'ai dit, excusez-moi que vous soyez venu me voler mes citrouilles. Et après, il a fallu que je vende toutes les autres citrouilles pour payer les dommages et intérêts. Il n'y a pas de justice, vous savez.